Cinquième signe. Michaël sonnera un grand son et le saint, béni soit-il, fera sortir toutes les tribus du fleuve de Gozan, de Hala, de Habor et des villes des Mèdes. Et ils viendront sans nombre et mesure avec les fils de Moïse. La terre sera comme le jardin d'Éden devant eux, et derrière eux brûlera la flamme. Il ne subsistera pas d'être vivant parmi les nations du monde. À l'instant où les tribus sortiront, des nuées de gloire les envelopperont, et le saint, béni soit-il, ira devant eux comme il est dit, et celui qui fait la brèche devant eux montera. Ils feront la brèche, ils passeront la porte, ils sortiront par elle. Leur roi passera devant eux et Yahvé à leur tête. Et le saint, béni soit-il, ouvrira pour eux les sources de l'arbre de vie, qui les abreuvera en chemin, comme il est dit dans Isaïe. Sur les monts chauds, je ferai jaillir des fleuves et des sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un marécage et de la terre aride des eaux jaillissantes. Et il est écrit, ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes. Que le saint, béni soit-il, nous rende dignes de voir la rédemption rapidement, et qu'il nous rende dignes de voir la maison d'élection, et qu'il accomplisse pour nous l'Écriture, disant « Voici que je vais rétablir les captifs des tentes de Jacob, je prendrai en pitié ses habitations, la ville sera rebâtie sur son tel, la maison forte restaurée à sa vraie place. » Et que s'accomplissent sur nous toutes ses consolations, et toutes ses promesses, comme il est dit par ses prophètes, et il est écrit « En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai. Alors je vous donnerai louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre restauration sous vos yeux, dit Yahvé. » Fin des signes du Messie.